Enfin, c'est une super cathédrale, mais. Ah, on est à l'antenne? Générique! A perdu son chien policier, celui qui lui. That's cool. Station, station, la station de la station. Bonsoir, je suis Roger Deville, le pape du cool. Vous écoutez Vatican, diffusé en direct depuis les prestigieux studios Patron. Sur station, station, la station, la station. Aubervilliers 75018 Paris, jonction 18e 19e, la station Gare des Nice en fort la Gomina. On a désormais une cathédrale, c'est assez positif. Quand je me mets au niveau de l'hôtel, le son y est super. Bon, je lui mets jamais la réverb, c'est pas mon truc. Il s'agit maintenant de répandre la bonne parole. Plus on est nombreux, plus l'argent des sponsors affluera. Et j'ai trouvé un orchestre. Ça fera venir les jeunes. Ils sont jeunes eux-mêmes. Ils sont beaux, les filles hurlent quand ils sont sur scène. Les gars, dites bonjour aux auditeurs. Ils sont trois, bien coiffés, et sortent leur premier maxi demain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les Rolling Stones sont dans notre émission. Et à la régie, pour la troisième fois consécutive, la rutilante Sandra Toucou. Les gars, on va commencer par un disque et on attaque directement les hostilités. Parce que Vatican est une émission pleine d'inédits et d'exclusivités diverses, ce qui a fait richer de tous nos sponsors. On commence avec un extrait de ce premier EP qui sort demain chez Bellevue Music intitulé Burning House. Ce morceau, c'est le premier titre de la face A. Il s'appelle Oh Well et dès que je l'aurai trouvé, ce sera parti. Parce qu'évidemment, Vatican est une émission bien préparée. Et il est là, c'est merveilleux et c'est parti. Vatican. Ticool, Vaticool épisode 13 avec les Olinjos. Ça va les gars? Putain, ça fait plaisir d'entendre enfin à nouveau des guitares dans cette émission. Des guitares, tu sais, c'est cet instrument à cordes. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont un peu plus encombrants, qui font un peu plus de bruit. Super, donc vous sortez un premier EP en vinyle, je présume. Et en CD, bien sûr. Comme histoire de pouvoir l'écouter dans l'automobile, sur la route des vacances. Ah, ça fait plaisir. Ami des bouchons, bonsoir, nous sommes sur la porte d'Aubervilliers. Vas-y, c'est bon, tu peux, vas-y. Rangez là où ils sont. Super, et du coup, la fête de sortie de ce disque, c'est demain à Point Éphémère. Avec les Ready Maids et un DJ set du joyeux Topper Harley. Oh non. Le premier vrai souvenir que j'ai de la ligne sur scène, j'ai failli être jaloux. Ils sont trois revenus d'une tournée au Japon et les filles hurlaient dans la salle comme si elles voyaient les Beatles. Assez rapidement, j'ai relativisé parce qu'heureusement, ils faisaient du rockabilly. Ouais, pareil. Finalement, ils étaient que trois de toute façon aussi en réalité. On dira pas lequel il faut, mais... Ringo, ce cher batteur à grand nez. Et tout de suite, la recette de cuisine de Jivan. Alors, Jivan, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon aujourd'hui? Putain, génial. Besterlang nous a raconté déjà dans l'épisode 10 comment faire cuire un steak façon bonsaï. Maintenant, tu vas nous dire comment faire cuire un steak façon Olinjos. C'est parti. Ouais. Ok. Faut frotter, donc pour avoir un bon steak, il faut avant tout le frotter. On entend bien ta viande grillée là. C'est merveilleux. Tu l'accompagnes de quoi? Ah, des petites patates sautées, bien sûr. Eh ben, on est super bien. Mmh. Ah, Maïté vient de faire irruption dans notre studio. Et en fait, justement, tu parles de Maïté, mais on se connaît depuis un sacré moment, mine de rien, parce qu'on traîne dans les mêmes bars. Le Pigalle Country Club, le Mécanique Ondulatoire, le Tiki Lounge, El Tiki Lounge, on salue bien sûr. Et vous savez que Vaticool est une émission qui est censée gagner beaucoup d'argent, du coup nous avons un sponsor magnifique qui s'appelle le Kremlin, dont on parlera plus tard. Et du coup voilà, vous êtes parti à Japon. Ouais. On a d'ailleurs fait le clip de cette chanson qui s'appelle Oh Well et qui est présente sur le premier EP des Olinjos, tu veux dire? Disponible chez Bellevue Music à partir de demain. Une velléité internationale peut-être ou pas du tout? Tout à fait, bien sûr. Surtout Nippon, évidemment. C'était comment le Japon, les gars? Il est comment le public japonais? Sans déconner. Ah ouais? On en est à ce point-là, Tokyo, ville officielle du rock'n'roll. Ouais. Non mais j'ai entendu aussi une autre légende qui disait que les Japonais étaient de sacrés malades en ce qui concernait picoler. C'est parce qu'ils se déchirent la tronche et évidemment on rappelle, Vaticool rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que la drogue est illégale. Alors là, tu vas m'en dire un peu plus, parce que la sieste stratégique de festival, qu'est-ce que c'est ? Ah ouais. Comme ça, brut de décoffrage, réveil, retour à la bière. D'accord, ok, c'est pas. Tu vas pas te faire virer en France comme on fait, c'est-à-dire avec le barman qui vient te voir, qui d'abord t'agite, tu fais poulet, tu peux pas dormir là, et puis finalement qui, voyant que tu ne te réveilles pas, te verse gentiment un verre d'eau glacée sur la tronche. D'accord. Personne se fait dépouiller. Putain, c'est génial. Ouais. En même temps, les mecs qui perdent des doigts, est-ce qu'ils l'ont pas un peu cherché ? C'est ce qu'on se demande, tu vois. Tu vois, genre, à partir du moment où t'as perdu une partie de ton honneur, est-ce qu'il n'est pas normal que tu donnes un bout de doigt en échange ? Pour acheter ton honneur, évidemment. Un doigt pour une bière ? Eh bah d'ailleurs, ça tombe bien, parce que tu vas m'en passer une. Allez, c'est parti, la grosse valise du cool qui renferme un paquet de bière. Merci. Un doigt. Tout un autre sens, de l'honneur, mais juste un doigt. Évidemment, nous rappelons que nous buvons essentiellement de l'orangina ici. La bière vient de m'exploser à la gueule, c'était formidable. On est mouillé à Vaticool. Vaticool peut s'écrire avec diverses orthographes. Du poule. Bon, avec tout ça, je vous ai pas vraiment présenté. Donc à ma droite, j'ai Jivan. Salut. Qui joue de la contrebasse. C'est ça. Comment ça se passe la contrebasse en avion ? Alors écoute, ça se passe très bien. Ouais. C'est-à-dire qu'elle reste là où elle est et puis on prend l'avion sans. C'est assez pratique. Du putain, coup, génial. Voilà. Du coup, c'est cool. Et on prend une contrebasse sur place ? Voilà. C'est ça. Et une fois que la contrebasse est utilisée sur place, on la rend ? On la rend dans l'état où on l'a laissée, quoi. A-t-elle beaucoup souffert ? Oui. Alors oui, surtout qu'au Japon, j'ai une contrebasse assez particulière. On a dû limer des trucs, machin. Enfin, c'était... Ah ouais, donc il faut faire du bricolage quand on utilise une contrebasse au Japon. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu as pu bricoler sur cette contrebasse pour la rendre custom ? Écoute, j'ai limé des bouts de chevalet. Pour faire rentrer des cordes dedans. C'était minime, mais c'était sympa. Super. Voilà. Et le chevalet en question a sauté aussi au concert principal qu'on avait, festival Halloween Bowl à Tokyo, le plus gros, où on jouait à, je crois, minuit 30. Ouais. Midi 30 dans notre tête, parce que c'était déjà la journée d'après. Alors là, le jeune homme particulièrement sexy et gominé que vous êtes en train d'écouter s'appelle Lucas. Bonsoir. Et il joue de la guitare, oui. Cet orchestre-là. Ça se passe beaucoup mieux d'ailleurs pour l'avion, la guitare, je l'ai prise sur mon dos en serrant les fesses pour pas me... Pour ça passe pour un bon vieux bagage à main des familles, bien sûr. Voilà, parce que ma housse de guitare est fine comme un papier à clope. Et... Alors justement, il y a un grand débat là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux prendre l'avion avec sa guitare dans un hard case vénère, blindé, au pire ça part dans la soute, et puis on espère, en croisant très très fort les doigts, que les bagagistes ne seront pas trop méchants avec. Ou bien est-ce qu'on prend au contraire la housse la plus fine du monde pour la faire passer pour un bagage ? Alors j'ai la réponse si tu veux. J'en ai fait les frais en partant en tournée avec un groupe qui s'appelle John and the Vans. John and the Vans que l'on salue également. Exactement, salut les gars. Plein de béco, on vous aime. La réponse à ta question c'est, si c'est une compagnie low cost, tu prends pas ta guitare avec toi parce qu'ils vont te la foutre dans la soute si te crame. Ouais. Si t'es un mec genre une sorte de James Bond de la guitare comme Fred, le guitariste de John and the Vans, ça passe. Moi je ne suis pas aussi discret. Et pourtant tu es particulièrement bien coiffé. N'est-ce pas ? C'est des martinis. D'ailleurs, quelle est ta marque de Gomina ? Quelle est votre marque de Gomina, les gars ? Moi j'ai de la rêve devant. Moi c'est Sporting Wave et je n'en ai pas actuellement. Et moi c'est Motul. Excellent ça. Et du coup, sur une compagnie low cost, les instruments c'est mort. Sur une compagnie comme Air France, normalement ça passe. Voilà ma réponse. Bah, voyager cher les gars. Et du coup, globalement, pas oublier d'enlever les cordes, parce que c'est arrivé à un copain, Yann, le pauvre, qui a un capot géant. Ça aime pas ça, les changements de pression. Ah non, ça n'aime pas du tout, une manche pétée à l'arrivée. Faut pas oublier de... Donc, faites attention, sortez couvert. Quoi. Sortez couvert, virez vos cordes. Les gars, je vous propose qu'on écoute un morceau. Allez. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter ? On était chaud pour Teenage Depression, pour rester sur le même genre de chanson que Well. Ça parle de gueule de bois. Ouais, ça parle de gueule de bois et du petit sentiment le lendemain après la gueule de bois de genre ah, je me sens pas bien et j'aurais peut-être pas dû faire tout ça. C'est plus un sentiment de quoi ? C'est plus un sentiment de honte ou au contraire de. Non, de tu te réveilles à 14h parce que t'as rien à foutre et puis tu te couches tard parce que t'es en forme à 2h du mat. C'est rare aussi, on va exactement. Ouais, et tous les jours, c'est la même chose. Et une forme de mélancolie positive où on se réjouit en même temps de sa petite gueule de bois et on se rappelle comment on s'est amusé. Ah, c'est voilà. Comme ça chez toi ? Pas moi. Et sur toute cette mélancolie positive, on va écouter Eddie Underwood Hot Rod avec Teenage Depression. Vaticool, épisode 13 de Retour avec les Olin Shoes. Hey yo. Vous êtes toujours contents les gars ? C'est la bande. Tout va bien, j'ai l'impression que les bières commencent à faiblir, petit à petit. Contrairement à nous. Contrairement à vous, qui paraissez de plus en plus déchaînés, et ça c'est bien. Vous connaissez depuis un sacré bail tous les trois, mine de rien. C'est oui. J'ai lu un truc sur un site au pif qui disait qu'il y en avait deux qui se connaissaient depuis leur plus tendre enfance. C'est vrai. Jivan et moi-même. Et Jivan et toi. On s'est rencontrés dans les bacs à sable de la cartoucherie, la maison des enfants. C'est trop mignon. N'est-ce pas ? T'étais déjà. Tu te coiffais déjà comme ça ? J'étais complètement gommé, j'ai un tremplin de 30 cm à peu près. Menteur. C'était cool. Du coup, il avait mal au cervical tout le temps. Non, c'était chouette. On s'est rencontrés, on s'est vus. Tu veux être mon copain ? Ouais. Et puis voilà. On s'est toujours copains. Et le troisième est arrivé quand ? Au collège, en 6ème. Ouais, je crois, on s'est rencontrés en 6ème, on avait des amis communs. Ça reste la tendre enfance, hein, les gars. Bah, ça reste la tendre enfance. On avait commencé, je me souviens très bien de cette histoire. Je faisais de la basse plus à l'époque parce que j'avais raté la batterie parce que ça m'avait gonflé. Et en sixième, t'étais déjà saoulé de la musique. Ouais, j'ai commencé un peu jeune, donc du coup, ça m'avait un peu gonflé. Le mec est né, en réalité, avec une guitare entre les pattes. Il s'est dit, ouais, c'est pas mon truc, on va passer à la batterie. À 4 ans, il jouait déjà avec Yvette Horner. Si, si. Je les embrasse d'ailleurs, je les embrasse. Le frère de Ike. Oui, oui. Yvette Horner. Et non, son accordéon et... Son accordéon. Non, sérieusement, je voulais rentrer, ils avaient déjà un groupe, un début de groupe, tous les deux ensemble, et je voulais faire la basse, il y avait déjà un bassiste, et je les ai tannés je sais pas combien de temps pour que je passe à la basse. Ouais. Et ils ont pas jamais voulu, et ils m'ont demandé un jour, pas de toi. C'est ça, et ils m'ont demandé un jour de faire la batterie pour eux pour un enregistrement, et en plus j'avais du matos d'enregistrement, donc c'est moi qui ai enregistré notre tout premier single à la con, enregistré dans une chambre, chambre. Quel âge le premier single à la con? 12 ans. Ouais, 12-13 ans, ouais. Ah oui. Ouais. Ah ouais, ouais, bien, ah oui, bien. Ça bien. Démarre très très tôt chez vous les gars. Et là je me suis dit, putain les mecs ils jouent quand même vraiment bien, joue bien c'est ça cool. Vaut quand même peut-être le coup de repasser à la batterie, ouais. Et bah depuis bah, j'ai pu retoucher une basse. C'était chouette parce qu'on était tous plus petits que nos instruments, c'était assez rigolo à voir quoi. Et encore j'avais un ukulélé. On voyait pas derrière la batterie. Non mais ouais, du coup. Ça c'est vraiment vrai. On a une vidéo, on a une preuve vidéo. Je ne dépasse pas les tomes. Et roulement attendu, tu vois. C'était, bien sûr, les meilleurs roulements. Roulement nuit debout. Donc du coup la jeunesse c'est ça en fait finalement, c'est le collège, ouais, le début, la jeunesse. On faisait du punk, on écoutait du punk, on était bien intelligent, c'était, ouais. C'était très très la fête tout le temps. On avait des grosses docks avec des gros lacets. Voilà, et puis on s'est mis à écouter du rock'n'roll de plus en plus vieux, en passant par Psycho, les Stray Cats et machin, puis on a reculé dans le temps. Et c'est là qu'on est arrivé aux 50s. Exactement. On a découvert Johnny Burnett. Johnny Burnett. Jeanne Ocouillette en français. Jeanne Ocouillette. The train kept rolling. Vous voulez qu'on écoute déjà Jeanne Ocouillette? On peut en parler. On peut en parler un peu plus. Ou on en parle avant un peu. Enfin, je sais pas. Après. Vas-y, on en parle après. C'est une émission assez libre. On écoute, on en parle après. Et c'est parti pour Jeanne Ocouillette avec le train continue de rouler. Putain, on est de retour. Génial. Jingle. Daddy cool. Vati cool. C'est évidemment l'émission à laquelle vous êtes invité et Et vous êtes heureux d'être invité ici. C'est oui. Et on vient d'écouter donc Johnny Burnett avec Train Capital Rolling. Et ouais, mon gars. Et c'était super. Mais moi, ma version préférée de ce morceau-là, c'est celle des Dogs. Et ben, on va se battre maintenant, alors. On va se battre alors. Super, j'ai mon père avec moi, ça tombe bien. Non, ouais, ça nous a bien parlé, nous, cette chanson, en fait, au début, quand on était tout minot, parce que t'avais, ça puait quand même bien l'énergie bien violente qu'on aime bien dans le punk. Sexuel. Et t'avais un côté bien sexuel, bien beau. Oui. Qui nous parlait bien. Ah, un message de Eric Steele qui nous dit... Je retrouve ma jeunesse, bisous. Bah écoute, merci Rico. On t'embrasse. Donc... Putain, mes notes n'ont absolument aucun sens, c'est formidable. Je ne sais absolument pas sur quoi rebondir. On pourrait écouter les notes. Ah mais on peut quand même parler de... Non, mais par contre, justement, le Japon, revenons-y. Il y a des groupes de rock'n'roll, Il y en a une chier. Il y a un truc qui est assez incroyable, c'est qu'il y a énormément de girls band. Ah ouais. De groupes 100% féminins, ce qui nous manque vachement en Europe. Comme dans les 50s aux États-Unis à la grande époque. Et ça déboîte, c'est carrément trop cool. Et des groupes avec des meufs où c'est genre juste normal qu'il y ait une meuf dans le groupe et que ça se passe bien et que c'est trop cool et qu'ils s'en foutent. Et que... ouais, enfin, tu sais, il y a des groupes aussi français qui ont une meuf dans le groupe et ça se passe bien. Hein. Il y en pour a les deux. Beatles. Pour les Beatles. J'en compte deux. Mais c'est, ouais, c'est vraiment chouette. Et puis ouais, leur scène elle est malade. Genre ils sont complètement à fond quoi. Quand on a joué... T'as pas un panel de groupe à nous balancer? Les Minas Tabou Domain, déjà on a tourné avec eux, on a fait toute notre tournée avec eux, c'était magnifique. Pour le groupe féminin, il y a les Beat Girls. Ouais, qui les sont trop trop cool. Il y a les Fadeaways. Les Fadeaways. Ils sont chez Soundflat. C'est ouf, et d'ailleurs ils jouent en Europe bientôt. Genre au Boulet Boulet Toga Festival avec carrément. Nous. Avec les Nobels, notre groupe de nous. Carrément. Il y a les Neat Beats qu'on a vu au Cosmic Trip, qui est super groupe de beats, hyper classe. Il y a. Mais ça joue Fiftos du coup plutôt. Ça joue 60s. Non, il y a des groupes Fiftos, il y en a carrément. Mais genre en fait, les mecs sont tellement à fond dans les trucs. On avait joué avec un groupe 50s, j'ai oublié leur nom. Mais genre les mecs, leurs chaussettes datent des années 50. C'est un truc, ça rigole pas du tout. Ah quoi. Oui, c'est ouais, vraiment. À côté, les mods parisiens peuvent aller clairement se rhabiller. Complètement, carrément. Se rhabiller avec leur En même temps, on les aime bien, mais bon, le côté panoplie, les gars, faut arrêter, sans déconner. On sait que t'avais pas de thunes dans les années 60 en réalité. Tu l'avais pas, le Vespa avec le super rétro. On sait que tu l'avais pas, mec. Ça sert à rien. Et tu dansais vachement moins bien que moi aussi. Mais c'est pas la question. Mais du coup, ouais, le Japon, mec, c'est fou. Puis en plus, tu vois, niveau, on parlait de l'alcool, ils ont un truc génial, c'est qu'ils ont un truc qui s'appelle le shochu. C'est à quoi 25 degrés, c'est de l'alcool qui a pas vraiment de goût. Un peu au goût de vodka quand même. Ouais, mais tu mélanges ça avec goût de vodka, ça veut dire pas de goût. Hein, ouais, t'as des canettes là-bas, je sais plus comment ça s'appelle, Strong Shoju, je sais plus quoi, de Kirin. Le Kirin, ouais. Ah, le Kirin. C'est à 9 degrés le bazar. Et c'est la bière qu'on trouve. Non, c'est pas de la bière, c'est du shoju. Ça s'appelle la Kirin. Non, c'est la même marque. C'est la même marque. Et en fait, t'as ce truc là, ça coûte rien du tout, genre 2 euros, même pas 2 euros. Voilà, et c'est genre mixé avec du Red Bull. On sait pas trop ce qu'il y a de la taurine ou quoi, c'est un truc qui tremble absolument ma boule. Et ils sont tous à ça, c'est assez chouette. Mais j'ai l'impression que culinairement, le Japon est assez fou. Et mec, carrément, je voulais carrément parler parce qu'on a mangé comme des dieux là-bas. Et surtout, t'as des fast-food où t'as pour 5 balles des trucs assez géniaux. Je peux avoir vite fait un exemple de catering japonais. En fait, on allait bouffer tout le temps au resto, donc c'était très varié. Okay. Tu vois, t'as des restos de brochettes où t'as des brochettes qui vont. De la brochette de peau de poulet, ce qui est assez génial à mon goût, moi j'adore ça. La brochette de cœur de poulet, ce que j'aime vachement moins, mais il y a des gens qui adorent. Une brochette de gésier, enfin des brochettes de tout. Moi j'adore. La première fois qu'on a bouffé là-bas. On part sur de la brochette. Hein. Et ils nous ont, la première fois qu'on allait bouffer là-bas, le premier resto où on allait, le premier plat qu'ils nous ont amené, c'était de l'estomac de vache crue. C'était bon. Alors, un des estomacs de vache crue, parce qu'ils ont 7 ou 9, voilà. Je sais plus. Trois, mais alors, moi je trouve ça plutôt dégueulasse. Moi je suis assez relou. Un estomac ou deux de près. Non. Mais ouais, non, c'est cool. Moi, surtout, le truc génial, c'est que il est 5h du mat, tu sors de concert et de beuverie, et que t'arrives, il y a un petit restaurant qui fait des ramen, qui est ouvert encore, où tu payes genre 7 balles pour un bol de ramen. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un gros bol de bouillon de légumes avec genre des pâtes dedans et des œufs et de la viande. Ouais, et c'est genre délicieux, et genre pour 5 balles, t'as ça, et les mecs te posent pas du tout de questions sur l'état de ton visage à ce moment-là. Et tu manges super bien. Et en même temps, attends, parce que pour revenir un peu à la France, notre beau pays, quand tu vas manger un kebab, le kebabier ne se soucie pas non plus de l'état alors, que tu certes, es, mais alors, du moment que tu niveau notes tes 6 balles. Niveau diète, mon pote, c'est quand même... Il n'y a pas d'obésité au Japon, mec, ça n'existe pas, tu vois. C'est sain, c'est pas cher, c'est sain, c'est bon. La bouffe, l'alcool, ça vaut rien là-bas. C'est génial. Mais c'est génial. L'immobilier. Le logement, c'est mort. Mais qu'est-ce qu'on attend pour déménager? Ah bah ouais, le logement, putain. Remarque, tu m'as dit hors antenne que on pouvait pioncer tranquille dans la rue sans se faire agacer. Voilà, aucun problème. Ce qui est assez étonnant, soit le loyer n'est pas très cher. Ouais. Les gars, sans déconner, regarde. On est là, on est 3, là on est 4, 5 avec l'ingé son qui est derrière et qui va maintenant d'ailleurs nous faire sa petite chronique. Allez, c'est parti. Allez, approche. Viens, n'aie pas peur. Allez. Attention, c'est le moment Jacques Martin de l'émission. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Goodzoom. Tu t'appelles Goodzoom ? Ouais. Ça gaffe. Alors, j'ai pas de jingle pour toi, mais heureusement, j'ai trois jeunes gens formidables qui vont te faire un jingle. Attention, c'est parti, les gars. Ouais, tire à la targeta, ouais, ouais, ouais, ouais. Oh, on sature, les gars. Ça saturait. Et du coup, la petite chronique de notre ingé son préféré. Ouais. C'est parti. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je sais pas, de notre. Du Bitcoin, de tu m'as dit. De l'Espagne. Ah non, je vais nous parler de l'Espagne. Je peux te parler de l'accro si tu veux. Ah, génial. Bah, que, vas-y, c'est parti. Moi, je suis breton. Attention, coup, tu vois, maintenant, la chronique cro. La chronique, voilà. C'est exactement ça. Une chronique non sponsorisée, mais ça viendra. Cronenbourg, attends-moi. Attends-moi, j'ai plein de trucs à t'offrir et beaucoup d'argent à te prendre. Bah, écoute, l'accro, nous, on en boit des litres. Hein. C'est vous aimez ça? Ah ouais. Et du coup Goodzoom, ouais, on l'a amené en Espagne pour la première fois. On est passé 10 dates là-bas, ouais. Et c'était quand même chouette. Ouais, c'était énorme. Est-ce que tu veux pas nous raconter un petit peu Allez, un petit souvenir d'Espagne. Là, comme un petit souvenir d'Espagne. À brûle pour point, paf. Il y en a plein, hein. Je sais pas si Roméo va entendre cette émission. En tout cas, on pense fort à toi, Roméo. Non mais ouais, c'est génial, j'ai l'impression d'avoir à nouveau Francis Mallary dans l'émission. Le mec qui me dit dis-moi Francis, t'as des anecdotes de concert? Ouais, j'en ai plein. Tu veux pas nous en raconter une? Je m'en souviens plus. Alors, merci Francis. Nous sommes exactement. Moi, c'est l'Espagne. Francis, ouais, à qui on fait un bisou également, parce que t'as, au final, t'es quand même numéro 1 encore des écoutes de Vaticool, et ça, c'est quand même formidable. On t'aime. Mais c'est vrai que c'est assez génial que Goodzoom nous parle de cro, parce que quand on arrive en Espagne et qu'on boit de la Amstel espagnole, Goodzoom en a marre parce qu'il veut boire de la cro. Bien sûr. Mais c'est normal. La cro est une bière de fabrication française. Je crois qu'il est accro. Et. Oh. C'est cro bon. C'est cro bon. Des jeunes gens magnifiques avec de l'humour en plus. C'est formidable. N'est-ce pas? On écoute un morceau? Ouais. Allez, carrément. Merci pour ta chronique. Bah écoute, c'est en une c'était note. C'était super intéressant, on a appris plein de trucs avec la toi. Chronique. La chronique, la chronique. Ouais, ouais. Moi je propose la que. La chronique, c'est une autre bière ça. On a parlé des need beats tout à l'heure, des groupes de beats. C'est un truc qu'on écoute vachement parce qu'on adore la beat. Le beat, pardon. On pourrait écouter les Kaisers. C'est tellement facile, hein, mais bien sûr. Ma langue est fourchée. Du coup, je te propose Some of the Guys. Allez. Tout simplement parce que c'est toi qui m'as proposé. Et puis parce que c'est un de mes mois, c'est mon groupe préféré en ce moment. Il est dans mon top 1, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a les Kaisers. Attention, il est top 1, les Kaisers. Allez. Some of the Guys. Let's Station. La station de la station. Vaticool, de retour avec les All In Jews. Ça va mieux ? Ça va toujours bien. Putain, génial. Donc, on parlait effectivement de qualité d'enregistrement hors antenne. On se demandait si le morceau des Kaisers qu'on vient d'écouter était du live. Vous, comment ça s'est passé ? Notre enregistrement, ouais. C'était hyper bien. Comment on enregistre les All In Jews ? Eh bah écoute, on a commencé nos premiers singles, trucs comme ça qu'on avait fait, on avait fait que du live. Pour, par souci de fétichisme, de trucs à l'ancienne. Ambiance, un micro au milieu de la pièce. Non, on avait web chargers ou on est un peu plus propre ? On est trois micros. On avait un micro champ. Ah oui, on multipliait les moyens là. Voilà, c'est ça. Là, il y a du budget. On était grosse prod. Mais du coup, on faisait tout en live avant. Et là, c'est la première fois où on a pu enregistrer dans un studio digne de ce nom, entre guillemets. On a fait ça sur bande, tu vois, en analogique, avec des super micros à ruban. Oh. Et on a eu le temps de faire un petit peu de prod, enfin rien de folichon non plus, mais on a eu le temps d'explorer des idées, des machins, c'était très chouette. On a rajouté des trucs ou pas on du tout, on est resté à la formule de base. On a rajouté des petites cloches tubulaires à droite à gauche, on a mis des petits coups d'orgue qui se voient pas, des chœurs de fou. On le rend un peu sexy quoi. Exactement. Oh, oui. Oh. Et une guitare acoustique The Gibson de 1929. Et pour le... Oh. Juste pour le... Ça, pour ça le... fait du bien ça. Ah, là on voit le côté guitare porn de l'heure. pour les citer, on a fait ça au studio Mercredi 9 avec Franck Hédin et Nathalie Loriot. Alors, où est situé ce studio ? Il se situe à Maraîcher, près de Montreuil. C'est un très chouette studio. Fred Carriol aux manettes. Et donc un studio français ! Exactement. Oh ! Un studio français parisien et très chouette. Voilà, on est très contents. Donc si j'ai envie d'enregistrer du rockabilly, je serai bien reçu. Et alors voilà, et tu peux enregistrer plein d'autres choses de musique parce que justement, nous aussi, avec cette EP, on a envie de... D'explorer d'autres univers. Exactement, c'est-à-dire qu'on joue du All In Jews, mon pote. Un truc très personnel. D'ailleurs, on vient d'écouter les Kaisers et on a beaucoup écouté les Beatles et les Kaisers. Et on a beaucoup de cœur dans notre EP. Voilà. C'est beau ça. Beaucoup de cœur. C'est vous-même qui faites les cœurs ou on a recruté du monde pour. Alors pour c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Figure-toi que ces deux jeunes hommes chantent comme des dieux. Le démon de minuit est à côté. Allez Il est déjà minuit. Il est. Non, c'est pas le moment de ton lancement encore. Mais bonsoir, vous écoutez Les Démons de Minuit, l'émission qui parle de fêtes et d'enjaillement. Parce qu'ici, on sait. Pardon. Non, je suis désolé, salut, les gars, salut Samy. Bonsoir. C'est beau de voir le soleil se coucher. L'émission d'après qui est déjà là, c'est formidable. Les mecs veulent qu'on se barre. Mais on va pas se barrer tout de suite. Déjà parce qu'on a d'autres trucs à écouter, on a d'autres trucs à dire. Et carrément. C'est bien. Ah oui, je voulais. C'est je quoi voulais... votre bar préféré ? Oh là, moi j'ai bossé 2 ans à la mécanique ondulatoire. Et depuis, c'était notre QG. Jamais y retourner, y trouver. Oh, bah du coup, j'y passais un peu toutes mes soirées, donc ouais, je non, suis mais moi, mais c'est que ça reste un très beau bar dans mon cœur. Voilà. Il y a le Tiki Lounge où on y est toujours. Bah, on y est même bossé avec Lucas. Aussi. Voilà. Et depuis peu, on répète en face de temps en temps dans un studio qui est genre en face du Tiki. Mais surtout, on tient à dire qu'on a un projet qui reste pour l'instant secret, mais qui sera bientôt plus secret du tout avec le patron du Tiki Bar. Mais c'est formidable. Hein, on a de l'exclusivité. On a une date le 17 mai. 17 mai à la boule noire. Oh, le 17 mai à la boule noire. Exactement. Et avec qui? Écoute, c'est tout est secret pour l'instant. Tout est secret. Mais vous en saurez bientôt vachement plus. Mais évidemment, n'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux. Un seul mot, Michel. Exactement. Michel. Et on est 10. Et vous êtes 10. Voilà. Et ça, c'est bien. Justement, vu que vous êtes tous les trois barman, vous allez me raconter vite fait votre cocktail préféré. Top, c'est parti, à ma gauche. Mai Tai, alors 2 centilitres de... Non, sans les dosages. Non, Mai Tai... Un assortiment de rhum. Cocktail pacifique, du Pacifique, des belles îles d'Hawaï, du citron. Exactement. Et du bonheur. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Et du bon rhum. En face de moi. Moi je vais faire le hipsto, ça va être le Jourdain, j'appelle ça le Jourdain parce qu'on a fait une soirée privée il n'y a pas très longtemps pour lever des fonds, un genre de Kiss Kiss Bang Bang mais genre Kiss Kiss Barbare. Ouais. Et on avait un cocktail qui s'appelait le Jourdain et qui a été confectionné par notre ami Seb qu'on salue fortement. Et je sais plus ce qu'il y avait dedans d'ailleurs, mais il était très bon. Jourdain c'était rhum et cranberry, citron et du sirop infusé au basilic. Et à ma droite le Moscow Mule. Ah ouais. Ah ouais. J'adore ça. Ton côté ginger beer. Ton côté russe finalement. Bah mon côté arménien, ex-URSS, tout ça. Nous on dîne à la vodka mon pote. Le vin c'est un truc de fromage un peu tu vois. En même temps, est-ce que c'est pas le mets le plus délicieux de l'univers? Ouais, oui mais. Oui mais. Ouais. Je vais rester là-dessus, mais je suis pas tout à fait. Ah, la régie me fait non, un c'est signe. Non, c'est moi qui fais les signes à la régie. Non, super, génial, on fait des signes. Moi, je voulais quand même parler écoutez d'un les, truc. Écoutez, les gars, on s'écoute autre chose. Bon, je parle de mon truc après, alors. Ça dépend. Non, mais si, on le garde pour après, ah, c'est si, très bien. Dis-moi, qu'est-ce qu'on est... Non, non, c'est trop tard. C'est trop tard, ce sera pour le prochain break. Mais qu'est-ce qu'on écoute? C'est ça, la vraie question. Qu'est-ce qu'on écoute? J'ai du Rangers, j'ai du Cécile Moore et les notes. Cécile Moore et les notes. Cécile Moore et les notes. C'est Diamondback. Ouais, non, je sais, mais Cécile Moore et les notes, c'est pas la même chanson. Non. Mais Rangers, les Rangers. Les Rangers. Mogul Monster. C'est parti. Allez, Mogul Monster. Vaticool, l'émission des jeunes qui écoutent de la musique de vieux. Ça pique. Avec les Olin Joes, qui sont eux-mêmes des jeunes qui font de la musique de vieux. Mais finalement, est-ce que la musique de vieux, c'est pas la musique qu'on aime? Ah si. Si, carrément. Sinon, on écouterait de la musique de jeunes. C'est ça. Est-ce qu'on a envie d'écouter de la musique de jeunes? Oui, mais de la musique de jeunes vieux. Oh. De Vienne. De jeunes villiers. De jeunes villiers. Moi, je voulais te dire un truc tout à l'heure, parce qu'on était en Allemagne ce week-end, et ça fait plus d'un an, un an et demi. Un an et demi, ouais. T'as ramené des clopes ? Qu'on tourne, j'en ai, tiens. Oui. Qu'on tourne avec notre fidèle. Non, mais t'en as ramené d'Allemagne ? Ah oui, plein. Non, mais j'en ai ramené d'Espagne, mon vieux, c'est encore mieux. C'est vrai. Tout ça pour dire qu'on a notre fidèle destrier qui était un très beau camion, qui a rendu l'âme, et je tenais à lui rendre hommage. Maintenant, parce que il est mort sur les routes j'ai un diéciré. De Berlin. Ah, diéciré, petit diéciré pour le camion. Attention, voilà. Un petit diéciré pour le camion. Ça va, on va pas faire les deux minutes du diaciré, mais c'est quand même un beau diaciré. Je vous rappelle qu'on est dans une église quand même, les gars. Bah oui. Mais on l'oubliera jamais en tout cas. Pas voilà. Dans les églises. T'aimes pas mes vitraux? Ils sont magnifiques. C'est Pedro le roi du disco qui les a fait. Pardon? Tu connais Pedro le roi du disco? Non, je ne connais pas. On le connaît aussi sous le nom de Pierre Tatin, il joue dans les Catholics Prêts. C'est pas de la tarte. Et on aime bien les Catholics Prêts. C'est de la tarte. Regarde, il nous en a fait un, là. La secte du passé. Là, tu vois ? C'est trop beau. Et ouais. C'est Pedro, qu'on salue, qui est passé aussi chez nous. Vous étiez en Allemagne ce week-end, pourquoi ? Pour manger des schnitzels. Et on est tombé sur des saucisses. Voilà. Non, on devait jouer à Berlin, on jouait à Amsterdam, et le concert d'Amsterdam était terrible, mais le concert de Berlin n'a jamais eu lieu, malheureusement. On a eu quelques saucisses. Sur la route. Parce qu'en fait, c'est deux villes. C'est à cause de l'histoire du camion. Voilà, c'est exactement à cause de l'histoire du camion qui est rendu là. En fait, on a comme une histoire avec ces deux villes, où on a la poisse totale. C'est la dernière fois qu'on était à Amsterdam. Berlin-Amsterdam, ville maudite. Ville maudite totale. Non, là, on a fait les deux en un week-end, c'était obligé que ça foire. Alors, je vais mettre une musique très zen pour faire parler de quelque chose qui fait peur. Attention, Berlin-Amsterdam, ville maudite. Si ça veut bien marcher. Ça ne veut pas marcher. Ah. Écoute, ville maudite, ouais. On parle quand même de choses qui font peur. Eh ben, on s'est fait voler tout notre matériel de musique la dernière fois qu'on était à Amsterdam. Oh. Ouais, ça fait mal un peu. Aïe. Ouais, ça faisait... Et deux ordinateurs aussi. Voilà. Et de l'argent. C'est cher. C'était triste. C'est terriblement cher. On a eu une petite échauffourée avec une bande de gros fachos qui nous ont crevé un pneu et jeté des bouteilles dessus pendant notre retraite c'est terrible. C'est pas sympa. Ah non, c'est pas sympa, non. Non, c'est vraiment pas sympa. Et c'était pas de l'accro. C'était pas de l'accro, ouais. C'était... Bonne année qu'une en bouteille, quoi. Et puis ouais, voilà. Et puis Berlin, on s'était fait annuler un show au milieu de tournée, c'était l'enfer. On n'a pas été payé, et... tout ça. Mais on les embrasse, nos amis berlinois, on va revenir pour faire un vrai bon show. Vous voulez dire que vous reviendrez pour vous venger, c'est ça ? Exactement. Tout à fait. Alors là, il y a tellement de bières devant, je sais plus. Voilà, c'est celle-là. Tu sais plus laquelle est la tienne. Non, c'est un peu, tu sais, comme le bento à Belleville, tu vois. En même temps, quand on la bière pleine. Quand on passe autant de temps ensemble, finalement, est-ce qu'on échange pas tous ces germes ? Oh, si, on échange bien plus que ça. Complètement, oui. Et ça sent pas que le schnapps dans le camion. Pauvre camion. Vous avez fait de belles premières parties à Paris et ailleurs. Oui. On a fait JD McPherson il y a 2 ans. C'est classe. C'était carrément cool, ouais. C'est vraiment un de nos artistes contemporains préférés. Donc ouais, on était hyper contents de partager la scène avec ce mec. Il est trop sympa d'ailleurs. J'ai vu aussi deux, trois autres noms, mais évidemment, comme Vatico est une émission bien préparée, et ils ne sont pas notés sur le conducteur. Vous êtes chez Voulez-vous danser ? Voilà. Qui vous book ? Voilà. Et vous fait tourner ? Exactement. Vous êtes des pétards finalement, les gars. C'est cool. Les gros ouinges du rocab. ça fait plaisir. Non, c'est cool. On tourne bien, on est content, on a fait un beau disque. D'ailleurs, demain, on sera, je le rappelle, pour ceux qui nous écoutent ce soir, au Point Éphémère. Vous voulez dire que demain, jeudi 12 avril, pour la sortie du disque intitulé Burning House. Exactement. Vous serez à Point Éphémère avec les Ready Maids. Voilà, tout ça, tout à fait. Et le tout agrémenté par la suite d'un DJ set de Topper Harley. Tout à fait, et pour l'after de l'after, ce sera au PCC avec un DJ set d'Emmanuel Vicious Soul. Oh, ce cher Emmanuel que l'on salue également. Tout à fait. Qui lui aussi a un orchestre, lui plutôt punk. Plutôt punk, ouais. Plutôt punk, qui s'appelle Chypriette. Chypriette ? Chypriette. Chypriette. Voilà. On l'embrasse. De fins mecs qui nous ont manqué pendant notre périple en Allemagne. Et oui. Toi, Lucas, tu es un homme à jeu de mots. Je suis un homme à jeu de mots et en plus, je suis à moitié allemand, donc je cumule. C'est pas mon prénom, je cumule. J'en cumule. Le mec a moitié de l'humour. Oui, parce que tu humoralement parlant, saluons quand même nos amis Didier Langlais. Didier Langlais, oui. Didier Langlais, évidemment. Quand bien power pop. Bien power pop. Oh. Bonsoir. Point pop flip. Bah, c'est chouette tout ça. Et on est bien là. Le troisième homme est quand même venu nous rechercher des munitions et ça c'est beau. Et ouais. On l'applaudit. Bravo. Ah, par contre, je suis pas le troisième, je suis le deuxième techniquement. Ouais. Donc. Voir le techniquement le deuxième. Attends. comme tous les orchestres ont une hiérarchie, le vôtre aussi. Donc je présume le numéro 1 c'est le guitariste. Alors non, ah, non. C'est Guzzou le numéro 1, qui a fait sa chronique Crow tout à l'heure. Putain, génial, Guzzou, qu'on applaudit encore. Allez. L'homme qui a gagné 10. Putain, c'est génial, vous êtes super réceptifs. On dirait qu'on est 12 dans le studio, c'est formidable. Et Guzzou qui vient de refaire éruption dans le studio. Allez. Ma préférée, vous venez d'où? Vous êtes de Paris, vous? Ouais, complètement. Complètement? Complètement. T'es de né Paris. Vivant? Moi, je suis né au Lila dans le 93. Ok. Ouais. Ça s'est bien passé? C'était super. J'ai une grosse street cred, quoi. Quoi? Street cred. J'ai une grosse street cred. Ouais, on a tous grandi à Paris. Grosse street bien raide. Bah, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés jeunes, tu vois. C'est QFD. Moi, je suis né à Paris, mais je voudrais vous parler de ma région d'origine. Qui sont les Deux-Sèvres. Une région si peu connue et pourtant 79. Si belle. Bien vu. Je vois que j'ai un connaisseur. Je ne connais pas plus des Deux-Sèvres, malheureusement. Ben, on a le Futuroscope, ma gueule. Non, c'est pas vraiment des Deux-Sèvres, mais en Poitou-Charentes, on a le Futuroscope, ma gueule. Ouais. C'est vrai. Ce serait bien un concert des Olin Joes à Futuroscope. Mais grave. L'endroit le plus futuriste du passé avec un groupe de maintenant du passé. Tu vois, Futuroscope Eton. J'aimerais être le premier groupe à jouer dans l'espace, tu vois. Ouais. Ouais, station spatiale. En apesanteur. Et reprendre du tragédie. Batterie en apesanteur, quoi. T'as appelé SpaceX? Hein? Ils ont envoyé une Tesla dans l'espace, ils veulent bien t'envoyer. Ouais, non, mais grave, mais Elon m'a dit que c'était faisable, mais il attendait un ou deux ans qu'on sorte un album. Alors, si Elon l'a dit. Je vous propose qu'on s'écoute un dernier morceau et puis après, bah, ce sera les annonces et puis la fin de cette émission. Magnifique. Ça vous va? T'es d'accord. Est-ce vous qu'on... avez une idée de ce que vous voulez écouter comme dernier morceau? Est-ce qu'on se remettrait pas un morceau de l'EP? Ouais. Hein? Pour faire ça. Lequel te ferait plaisir? Allez, you got it all wrong. You got it all wrong sur le prochain EP des All in Joes, Burning House, et c'est parti. Et on arrive à la fin de cette émission. Ça vous a plu, les gars? C'était super. La bombe. Génial. Des annonces. Des annonces, et je ne sais pas pourquoi mon truc marche pas bien. Ah, voilà. puisque cette semaine, notre sponsor, le Kremlin, situé au 6 rue André-Antoine, 75018 Paris, nous fait déguster cette semaine le Machagré. Composé de vodka, sirop de vanille maison, citron vert, fruit de la passion et abricot brandy, cette version du Pornstar Martini vous rendra aussi sexy que nos invités du jour. Et ça se déguste à Kremlin, au 6 rue André-Antoine, 75018 Paris. Demain, allez à Point Éphémère voir les All Ninjas pour fêter la sortie de leur premier EP Burning House et Bellevue Music. Ils seront accompagnés des Ready Mades et la soirée se conclura par un DJ set de Topper Harley. Ils sont venus dans Vaticool, ne manquez pas ce vendredi la secte du futur qui accompagnait des Danois d'une Messiah et des Toulousains de Space Padlocks, ici même à la station Gare des Mines. Je vois que ma phrase n'a pas de sens. Le stream de l'infini. Le stream de l'infini spécial qui s'est déroulé vendredi dernier subira un bon montage des familles mais arrivera bientôt, disponible sur Mixcloud, celui de Station Station et sur mes podcasts iTunes. Recherchez Vaticool dans les podcasts iTunes et n'oubliez pas de lâcher 5 étoiles. Vous pourrez retrouver également les All Ninjas sur Spotify, Deezer et Facebook. Et tu sais. Bon, quand même, voilà. Ben oui. Ça se fait. Ça se fait. Faut taper All Ninjas dans Facebook et puis on trouve direct. C'est ça. Génial. Nous, on se retrouve bientôt avec de nouvelles personnes. Vaticool est en pleine extension. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Abonnez-vous au flux iTunes et mettez 5 étoiles, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour qu'on soit mieux référencé, en fait, tout simplement. On est aussi sur Mixcloud et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, @RogerDeLille, Instameuge, @RogerDeLille. C'était Roger Delille, le pape du cool. L'émission s'appelle Vaticool. As-tu déjà connu l'amour ? Ciao. Bisous. Bisous.